Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 25e épisode. Le mystère de l'île Bazan. Grâce aux acrobates du Gorille Club et à un fantastique spectacle électrico-visuel qui a mis en déroute les Tramps, Lord Buridan s'est emparé de l'île des Pendus et a réussi à délivrer ses amis prisonniers de Slug, lequel a réussi à s'échapper. Mais, pour Lord Buridan, quelle triste victoire. Tant d'efforts pour découvrir que le professeur Bondona venait d'être assassiné. Comment, en effet, aurait-il pu deviner que le cadavre qu'ils avaient découvert n'était qu'un faux qui avait inspiré une ingénieuse substitution au professeur Bondona? Pendant ce temps, celui-ci, après 3 jours de navigation dans la grande barque de pêche des Esquimaux, vient juste de toucher terre. La marée est arrivée. La marée est arrivée. 3 yens, la dorade. 3 yens, la dorade. Demandez nos ailerons de requin. La marée est arrivée. Allez, poussez-vous. Laissez-moi passer. Monsieur le gouverneur, venez vite. Il y a un Européen qui vient de débarquer. Il vient d'arriver dans la grande barque de pêche que vous voyez là-bas. Vous le voyez? C'est ce vieux monsieur aux cheveux blancs. Il y a un Cosaque avec lui et 2 Esquimaux. Venez vite. Je viens. Poussez-vous. Poussez-vous. Laissez-moi aller accueillir mes visiteurs, bande de fainéants. Welcome, sir, in the Bazan Island. Who are you? Qui êtes-vous? My name is Bondona. Je m'appelle Bondona. And here is my friend Rapopov. Rapopov, Ivan. Your passport, please. Le voilà. Ah, mais vous êtes français. En effet, et je constate que vous parlez parfaitement notre langue. Monsieur... Nogi, je suis le gouverneur de cette île de l'Empire du Soleil Levant. Et au nom de l'empereur du Japon, je vous souhaite la bienvenue dans l'île de Bazan. Tenez, je vous rends vos papiers. Merci. Excusez-moi de vous les avoir demandés, mais vous comprenez le règlement. Et puis cela m'a permis de voir que vous étiez un savant. C'est la première fois qu'un savant nous rend visite dans cette île. Et c'est un très grand honneur pour nous. Je dois vous avouer, cher monsieur Nogi, que c'est tout à fait par hasard que j'ai échoué ici. Mon plus grand désir, en fait, est de rentrer en France aussi vite que possible. Ah, c'est que nous sommes ici à des centaines de miles de toute terre habitée. Il y a bien un paquebot qui fait la liaison entre Shanghai et San Francisco. Seulement, il ne sera pas là avant 3 semaines. Eh bien, tant pis. Puisqu'il en est ainsi, monsieur le gouverneur, la seule chose qui me reste à faire est de visiter votre île comme vous le suggériez. Puis-je compter sur votre obligeance pour m'indiquer les moyens de me loger aussi confortablement que possible? C'est avec très grand plaisir. Justement, il y a en ville une très belle maison à louer. Elle a été construite par un Anglais il y a quelques années. Et avec la mienne, c'est la plus confortable de l'île. Elle est entourée d'un jardin et, ce qui est plus rare ici, elle possède des portes qui ferment à clé. C'est appréciable, car il y a beaucoup de voleurs. Et ils sont d'une habileté surprenante. Voulez-vous que je vous y conduise tout de suite? Mais avec plaisir. Rapopov, suis-nous avec les bagages, veux-tu bien? Oui, mon petit père. Par ici. Comme vous le voyez, l'île de Bazan est habitée par une population très variée. Des Kanaks, des Tahitiens, des Papous, des Maoris, des Fidjiens. Eh bien, il ne manquait plus que moi pour compléter cette collection ethnologique. Mais que se passe-t-il? Regardez, cet homme qui vient vers nous en pleurant. Mais... cette jeune fille qu'il porte dans ses bras. C'est Amalou et sa fille Atouara. Eh bien, Amalou, que t'arrive-t-il? Ta fille est malade? C'est terrible. Ma petite Atouara, elle vient d'être mordue par une vipère. Une vipère à crête rouge, elle va mourir. Il n'y a aucun remède, aucune plante. Ma fille. J'ai justement dans mes bagages quelques flacons de sérum du docteur Yersin. Apopov, apporte-moi la trousse et la boîte de sérum. Dépêche-toi. Oh, monsieur, sauvez ma fille. Oh, elle est mon seul trésor sur cette terre. Sauvez-la. Ne vous inquiétez pas. Rapopov, la seringue. Merci. Le sérum. Non, pas celui-là. Celui-là, voilà. Mais voilà, ça va. Eh bien, ça y est, c'est fait. Votre fille est hors de danger. Oh, monsieur, merci. Non, allez. Calmez-vous, rentrez vite chez vous et couchez votre fille. Demain matin, il n'y paraîtra plus. Merci. Moi aussi, je vous remercie, cher monsieur Bondona. Vous vous êtes fait trois amis à Bazam, à Malou, sa fille, et votre serviteur. Suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à votre maison. Regarde, Rapopov, regarde ce merveilleux jardin, regarde ces lys et ces chrysanthèmes et tous ces arbres. Regarde, Rapopov, ces cocotiers. Tu as vu la taille de ces noix de coco, mais quelle végétation! C'est sûr que c'est un paradis ici, petit père. Et la maison, elle est belle, la maison. Je peux entrer, petit père? Oui, tu peux entrer, Rapopov. Et après, tu rangeras nos bagages, hein? Allez, va, Rapopov, va. Moi, je suis fatigué et je vais me coucher. Tu t'installeras une natte devant ma porte pour dormir. Mais pourquoi toutes ces précautions, petit père? Le gouverneur nous a prévenus de nous méfier des voleurs. Et j'ai des papiers importants. Mes toutes dernières découvertes sur les radiations ionisantes et 100 000 $. Les portes et les fenêtres ont l'air de fermer parfaitement bien, mais ouvre l'œil quand même. Eh bien, Rapopov, lève-toi, grand paresseux. Regarde comme il fait beau. Cette île est magnifique. Oh, bonjour, petit père. Tu as bien dormi, petit père? Merveilleusement bien, Rapopov. Et j'ai une de ces faims. Est-ce que tu as rapporté des provisions? Tout est en bas, petit père. Bon, eh bien, descendons. J'ai tout mis sur la table, petit père. Voyons, des ananas, des goyaves, des nèfles, des noix de coco, des pommes crème. Tiens, je m'en vais manger une mangue. Tiens, nous avons de la visite. Mais oui, c'est à Malou et sa fille. Va vite leur ouvrir, Rapopov. Entrez, je vous en prie. Alors, comment va ma petite malade ce matin? Ah, elle va bien, docteur. Et je viens pour vous remercier. Mais elle est ravissante, cette petite, ce matin. Quel âge a-t-elle? Eh bien, réponds. Ah, elle est intimidée. 16 ans, monsieur. Et elle est le bonheur de mes vieux jours. Ah, vous l'avez sauvée, je tenais. Voulez-vous de l'argent, docteur? Mais rien du tout, voyons. Ça me gêne beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour... Eh bien, tenez, voulez-vous me faire plaisir? J'aime beaucoup pêcher. Si vous pouviez m'indiquer les bons endroits. Ma petite Atoira vous les montrera. C'est une pêcheuse très habile et elle sera heureuse de vous accompagner. Eh bien, j'accepte avec grand plaisir. Voulez-vous demain matin? Ah, comme j'ai bien dormi. Mon Dieu, déjà 9 heures. Atoira doit m'attendre. Allons, debout. Mais que s'est-il passé? Les tiroirs du meuble de camphrier sont ouverts. Tiens, on a fouillé dans mes papiers. Le portefeuille? M'aurait-on volé? Voyons. 2, 4, 20, 30. Tiens, il manque 10 billets de $1,000. Quelque chose ne va pas, petit père? Quelqu'un s'est introduit cette nuit dans ma chambre et m'a volé des papiers importants et de l'argent. Mais c'est impossible, petit père. Rapopov dormait devant ta porte et la maison était fermée. Oui, oui, je sais bien, mais c'est quand même à n'y rien comprendre. Enfin, on verra bien. Atoira n'est pas venu? Si, petit père, il y a une heure. Il n'a pas voulu vous réveiller. Il a dit qu'il reviendra cet après-midi. Bon, ben dans ce cas, je vais aller faire un tour au bord de la mer. Prépare le déjeuner en attendant. Et surtout, surveille la maison. Ah, et puis inutile de se tracasser. De toute façon, mes voleurs doivent être satisfaits de ce qu'ils ont pris et ils ne reviendront sans doute. Mon Dieu, que cette île est belle. Il faudra que j'y revienne un jour avec Frédéric et André. Tiens, des coupoles dorées. On dirait un de ces châteaux habités par des génies, comme on les trouve décrits dans les contes arabes. J'irais bien visiter ce temple, mais il a l'air complètement enfoui dans cette végétation inextricable. Tant pis. Continuons cette promenade par la grève. Mais il y a quelqu'un là-bas, à l'entrée de cette grotte. On dirait un Européen. Encore qu'avec cette barbe d'ermite. Monsieur! Sœur! Monsieur! Ah! Oh! Excusez-moi de vous avoir fait peur. Non, non, non, ne partez pas. Je ne vous veux aucun mal. Je me suis simplement perdu et j'aimerais regagner la ville. Pouvez-vous m'indiquer le chemin à suivre? Vous n'avez qu'à suivre le rivage. Mais dites-moi, vous êtes français? Oui. Il y a longtemps que vous êtes ici? Un mois, peut-être plus. Je vous dérange. Vous ne voulez pas parler, n'est-ce pas? Monsieur, je ne voudrais pas que vous me preniez pour un malfaiteur. Je ne vous connais pas, mais... Et moi, je m'appelle Prosper Bondenin. Comment ? Vous êtes le célèbre naturaliste. Eh bien, moi, je m'appelle Grivard. Louis Grivard. Je suis peintre. Enfin, j'étais peintre. Avant. Mais avant quoi ? Parlez-moi. Je suis sûr que cela ne peut vous faire que du bien. Oui. Vous avez peut-être raison. Je vous écoute. Comme je vous l'ai dit, je suis peintre et j'ai organisé plusieurs expositions en France et en Amérique. C'est à l'occasion d'une exposition à New York que j'ai fait la connaissance de ma femme. Ma chère Lorenza. Je vous écoute. Continuez. Nous étions mariés depuis quelques semaines quand on nous a fait une proposition très tentante. Il faut que je vous dise que Lorenza possède l'étrange pouvoir de faire revivre les perles mortes. Un marchand de pierres précieuses a proposé à Lorenza d'entreprendre un voyage autour du monde pour acheter des quantités importantes de perles. C'était un merveilleux voyage de noces, n'est-ce pas ? Les premières semaines ont été magnifiques, et puis j'ai eu la malencontreuse idée de vouloir passer quelques semaines dans cette île dont le charme nous avait séduit. Nous avons loué une petite maison, mais c'est alors que nos malheurs ont commencé. Un matin, Lorenza a disparu. Oui, monsieur, oui, disparu. Ce matin-là, en me réveillant, je ne la trouvais plus à mon côté. Et nulle trace d'effraction, aucun indice. Elle avait disparu aussi mystérieusement que les perles. Et depuis, je suis à la recherche de Lorenza. Dans la journée, je dors dans cette grotte. Je me nourris de coquillages et de fruits. Et la nuit, je la cherche. J'erre dans l'île. Je rôde dans les rues. J'écoute les conversations. Je cherche des indices. Voilà. Mon pauvre ami, vous avez eu raison de me parler, car j'ai été moi-même victime cette nuit d'un vol semblable au vôtre, et je ferai tout ce qui est humainement possible pour éclaircir ce mystère et retrouver votre femme. Je doute fort que vous réussissiez. Mais si je réussirais, j'ai découvert des choses bien plus difficiles que diable. Mais dites-moi, vous n'allez pas continuer à vivre en clochard, sous ces haillons ? Venez donc habiter chez moi. Il y a de la place chez moi. Merci de votre générosité, monsieur, mais je préfère dormir dans cette grotte. Je ne supporte plus d'avoir des murs autour de moi. Tu n'as rien mangé ce soir, petit père ? Tu n'es pas malade ? Non, Rapopov, je ne suis pas malade. Je réfléchis. Bon, allez, viens voir. Prends cette natte de rotin et étends-la ici. Comme ça, oui. Maintenant, va me chercher de la farine de riz. Bon, très bien, donne. Voilà, je saupoudre la nappe de farine. Si mes voleurs ne sont pas de pur esprit, ils seront bien forcés de laisser des traces de leur passage. Je place le portefeuille sous mon oreiller. Bon. Eh bien, maintenant, je me couche. Et toi, Rapopov, tu dors comme d'habitude devant ma porte. Ne t'inquiète pas, petit père. La popo attendra si le voleur veut entrer. Bonne nuit, petit père. Ah, 9 heures déjà. Je ne me réveille jamais si tard d'habitude. Ah, mais il faut dire que j'ai un sacré retard de sommeil. Ouh. Oh, ça alors, c'est trop fort. Rapopov ! Rapopov, réveille-toi ! Réveille-toi, viens voir ! Oh, j'arrive, mon petit père. J'arrive. Que passe-t-il? Mais regarde. Oh, tous les meubles sont en verte. Oui, et ce n'est pas tout. Des billets ont encore disparu de mon portefeuille, qui était pourtant sous mon oreiller. Et regarde la natte. Des traces des pas. Des pieds nus. Ça alors? Mais on dirait un pied d'enfant. C'est insensé. Ces indigènes ne sont pourtant pas des sorciers. Je t'écoute, petit père. Tu vas m'aider à découvrir les voleurs. Cette nuit, tu te coucheras sur la natte comme d'habitude, mais tu ne dormiras pas. Tu prendras à côté de toi ce grand sabre japonais et ce revolver. Et si quelqu'un vient, tu l'empoignes et tu m'appelles. Très bien, petit père. Je vais m'étendre tout habillé et je vais essayer de ne pas m'endormir. Si nous sommes deux à rester éveillés, c'est bien le diable si nous n'arrivons pas à surprendre ces voleurs. Il fait grand jour. Je me suis quand même endormi. Ça alors, il y a de nouveau des pas sur la natte. Mon portefeuille. 20 billets en moins. Rapopov ! Rapopov ! Où est-il ? Il aurait quand même pu ranger son sabre et son revolver. Rapopov ! Rapopov ! Il est sûrement en bas. Rapopov ! Personne. Ce n'est pas possible. Rapopov ! C'est pas possible, il a disparu. Il a sûrement été enlevé, comme Lorenza, la femme de Grivard. Mais je ne céderai pas. Ce soir, je me cacherai dans le jardin, derrière le massif de bambou, et cette fois-ci, pas question de dormir. Personne ne me verra. Par contre, moi je vois tout. Ah, je n'aurais jamais cru qu'il y ait autant de chauves-souris. Et comme la lune est belle. Ah, j'ai une crampe dans la jambe gauche. Ah, voilà, ça va mieux. La prière de minuit. Et si mes voleurs ne venaient pas cette nuit? Attendons quand même. Attention, attention, les voilà. Mais c'est une jeune fille. Elle est entièrement nue. On dirait qu'elle porte un masque. Ah non, non, c'est un casque japonais ancien. Comme c'est curieux. Il n'y a pas de trou à la place des yeux. Et que tient-elle à la main? Un bouquet de fleurs. Quelle odeur délicieuse. Elle se dirige vers le perron. Elle va sûrement monter au premier étage. Je vais la suivre. C'est le seul moyen de découvrir la clé de ce mystère. Cette odeur. Il a toujours son bouquet de fleurs. Tiens, il se dirige vers la forêt. Je ferais peut-être mieux de rentrer. Ça fait un moment que nous marchons et cette forêt m'oppresse. Je n'ai pas souvent peur et pourtant. Ah, enfin une avenue. Mais ce sont les coupoles du temple que j'aperçois. Comment sommes-nous donc arrivés ici? Quel décor! J'ai l'impression de vivre dans un songe. Mon apparition a disparu. Ah non, non, elle est là-bas. C'est une statue de Bouddha. Elle est immense. Et ce parterre de fleurs tout autour. Quelle merveilleuse odeur. C'est la même que celle qui entoure ma jeune voleuse. Je ne la vois plus. Elle ne s'est tout de même pas envolée. Cette odeur. Oh, je sais pas ce que j'ai. Et où est-elle, la jeune fille nue? Le masque, les fleurs, le tunnel, le Bouddha. Oh, je glisse. Je glisse. Épisode, la fleur du sommeil. C'était le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 25e épisode, le mystère de l'île Bazan. Avec Jean Viener, Jean-Roger Cossimon, Michael Thomas, Marc Hérault, Laurence Bourdil, Pierre Michael. Musique du générique Jean Viener, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 31 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.